Exercice 1, page 159. A. Jean, Jean. B. Lisons, lisons. C. Allège, à l'aise. D. Gaz, gage. E. Les os, les os. F. Les œufs, les jeux.